Ouais, chaque fois c'était chaud quoi. Cœur sur pause, visage éteint, gros tout mon passé sur ma peau a déteint. Presque la mort et son étreinte, aujourd'hui je fais des grimaces à mon destin. Des souvenirs d'antan, y'avait pas d'été, les belles années, mon rêve ça me dit rien du tout. L'avenir est douteux, le karma endetté, on sait très bien qui se cache dans les détails. 20 ans que le dar, on voit plus personne. Tu la connais gros, tel père, tel fils, elle me dit tu te fais du mal à rester seul. Moi j'allais pas mieux quand on était 10, moi j'étais distant. Et tout ce que je fais frérot, je le fais comme l'extrémiste. Y'a un truc qui cloche, te jure, tous ceux que j'écoute dans la vingtaine ont cessé de vivre. Inspiré dans la migraine, ils sont invisibles ceux avec qui je traîne. Des années que je ne sais plus quand c'est le week-end. J'écris sur un orphelin comme Charles Dickens. Et c'est vrai qu'on est tous des chiens, y'en a qui aboient, y'en a d'autres qui mordent. Méfie-toi des femmes comme de l'eau qui dort, parce que tendre amour c'est un oxymore. Je reçois un message, j'ai déjà oublié. Je reviendrai avec ou sur mon bouclier. Gratte jusqu'au sang, j'ai toute ma peine dans l'encrier. Et on cherche le Graal, mais pas celui des Templiers. Violence appelle violence, une guerre qui finit, c'est une autre qui commence. La lune, ma seule romance, j'ai pour idée d'avoir le cœur léger sur la potence. Ma gueule, personne saigne en équipe, si tu savais combien de nœuds jette dans les tripes. Dans la vendetta au grand jamais on est quitte, est-ce que ça aura valu la peine qu'on existe? Plus le temps passe, plus je me rends compte de ce qu'on efface pas. Mon daron m'a dit fiston dépasse-toi, faut devenir un homme avant métastase. Moi je voulais me battre avec les dieux, j'ai vu que j'étais pas Kratos. Du coup nique sa mère, on va jouer le jeu, j'ai vu que c'était pas gratos. 300 contre 1 million comme à Spar. C'est d'abord dans le cœur qu'on apprend à se battre. Je regarde ton âme, moi je n'ai que faire de l'image. Chaque pas c'est le but, on part en pèlerinage.